Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 143. Des parties de la tempérance. Partie intégrante. Partie subjective. Partie potentielle. 1. Cicéron a-t-il raison d'assigner à la tempérance trois parties, la continence, la clémence et la modestie? On distingue dans chaque vertu cardinale les parties intégrantes, les parties subjectives et les parties potentielles. Les parties intégrantes ou conditions nécessaires de la tempérance sont au nombre de deux, la honte et l'honnêteté. Les parties subjectives se partagent, comme les plaisirs du toucher, en deux classes, les unes, l'abstinence et la sobriété, ont rapport à la nourriture, les autres, la chasteté et la pudicité, concernent la génération. Les parties potentielles ou vertus annexées à la tempérance sont la continence, la clémence et la modestie. Note. La division de Cicéron, que saint Thomas semble admettre et abandonner tout à la fois, est vraie, mais incomplète, à moins que, par continence, il ne veuille entendre la répression générale des plaisirs du toucher. Les parties assignées dans cet article sont la base des questions qui vont suivre. Fin de la note. Même question 143, cette fois extraite de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, volume 10 édition Vivet, 1858. Nous avons à nous occuper des parties de la tempérance, d'abord en général, puis de chacune d'elles en particulier. Article 1. Cicéron divise-t-il avec raison la tempérance en trois parties, qui sont la continence, la clémence et la modestie? Il paraît que Cicéron se trompe en assignant dans sa rhétorique trois parties à la tempérance, savoir, la continence, la clémence et la modestie. Premièrement, la continence est différente de la vertu, éthique 7. Elle ne doit donc point faire partie de la tempérance qui est une vertu. Deuxièmement, la clémence est une mitigation de la haine ou de la colère. Or, la tempérance n'a pas ses passions pour objet, mais les plaisirs du toucher. Donc la clémence ne fait pas partie de la tempérance. Troisièmement, la modestie consiste dans les actions extérieures, selon cette parole de saint Paul, Philippiens 4, que « votre modestie soit connue de tous les hommes ». Or, les actes extérieurs sont l'objet de la justice, comme nous l'avons montré, question 18. Donc la modestie fait plutôt partie de la justice que de la tempérance. Quatrièmement, Macrobe, commentaire du songe de Scipion, donne à la tempérance beaucoup plus de parties, savoir, la modestie, la honte, l'abstinence, la chasteté, l'honnêteté, la modération, l'épargne, la sobriété, et la pudicité. Andronique y ajoute, l'austérité, la continence, l'humilité, la simplicité, l'ornement, et le bon règlement de la vie. Cicéron n'a donc pas indiqué toutes les parties de la tempérance. Conclusion. La honte et l'honnêteté sont des parties intégrales de la tempérance, l'abstinence, la sobriété, la chasteté, la pudicité en sont des parties subjectives, tandis que la continence, l'humilité, la mansuétude ou la clémence, la modestie, etc., en sont des parties potentielles. On distingue dans toute vertu cardinale trois sortes de parties, les parties intégrales, les parties subjectives, et les parties potentielles. On appelle partie intégrale celle qui forme des conditions nécessaires de chaque vertu. Il y en a deux dans la tempérance, savoir la honte, qui nous fait éviter les choses honteuses, et l'honnêteté, qui nous fait aimer la beauté de la tempérance. Car, comme nous l'avons dit, question 142, cette vertu revendique tout ce qui est convenable, tandis que les vices de l'intempérance ont surtout pour objet les choses honteuses. Les parties subjectives de chaque vertu sont ce que l'on appelle ses différentes espèces, et les espèces se divisent d'après la matière ou l'objet de la vertu. Or, la tempérance a pour objet les plaisirs du toucher, qui se partagent en deux classes, premièrement, ceux qui servent à la nourriture de l'homme, comme le manger, d'où naît l'abstinence, et le boire qui produit la sobriété, secondement, ceux qui tendent à la génération, et qui produisent d'abord la chasteté, puis la pudicité qui réprime certaines circonstances des plaisirs de la chair, comme les baisers, les embrassements, etc. Les parties potentielles sont les vertus secondaires annexées à la vertu principale, et dont l'objet présente moins de difficultés. Ainsi l'objet de la tempérance est de réprimer les plaisirs du toucher, ce qui est ordinairement très difficile, tandis que l'objet des vertus secondaires de la tempérance est de régler l'appétit dans certaines autres circonstances moins impérieuses. Ceci peut se présenter de trois façons, soit dans les mouvements intérieurs de l'âme, soit dans les mouvements extérieurs et les actions du corps, soit dans les choses extérieures. Outre le mouvement de la concupiscence que réprime la tempérance, on distingue dans l'âme trois autres mouvements, premièrement celui de la volonté excitée par la violence de la passion, et que réprime la continence, en retenant l'assentiment de la volonté aux concupiscences déréglées qui naissent dans l'esprit de l'homme. Secondement, un mouvement intérieur d'espérance et d'audace qui suit cette concupiscence, et qui est modéré par l'humilité. Troisièmement, un mouvement de colère tendant à la vengeance que réprime la mansuétude ou la clémence. La modestie a pour objet de modérer les mouvements et les actes du corps, ce qui, selon Andronique, consiste en trois choses, d'abord à discerner ce qu'il faut faire et ce qu'il faut omettre, à régler l'ordre dans lequel il le faut faire, et à y persévérer fermement. Voilà ce qu'il appelle un bon règlement de vie. Secondement, la modestie consiste encore à observer la décence dans ses actions, ce qu'il appelle l'ornement, et aussi dans l'entretien de ses amis ou d'autres personnes, ce qu'il appelle l'austérité ou la gravité. Quant aux choses extérieures, la modération consiste premièrement à ne point rechercher le superflu, ce que Macrobe appelle l'épargne et Andronique l'honnête suffisance, secondement à ne point rechercher non plus les choses trop exquises, les délicatesses, ce que Macrobe appelle la modération, et Andronique la simplicité. Note. Comme il est important de ne point oublier cette division, qui doit nous guider dans la plus grande partie de ce volume, nous la reprendrons ici brièvement. Les premières conditions, ou les qualités générales de la tempérance sont donc d'abord la honte et l'honnêteté, c'est ce que notre saint auteur appelle ses parties intégrales. Ces différentes espèces sont l'abstinence et la sobriété, qui règlent les plaisirs de la table, la chasteté et la pudicité, qui règlent les plaisirs de la chair, telles sont les parties subjectives. Les vertus secondaires annexées à la tempérance, et que l'on appelle ces parties potentielles, sont au nombre de six, la continence, qui retient la volonté émue par la passion, l'humilité, qui modère l'espérance et l'audace, la douceur ou clémence, qui apaise la colère, la modestie, qui règle nos mouvements et nos actes corporels, l'épargne ou l'économie, qui nous fait éviter les superfluités, et enfin la simplicité ou la modération qui nous fait fuir les délicatesses. On voit que parmi les parties potentielles, ou vertus annexes de la tempérance, les trois premières règlent les mouvements intérieurs de l'âme, la quatrième les mouvements du corps, les deux dernières l'usage des choses extérieures. On les range dans les vertus secondaires, et non dans les différentes espèces ou parties subjectives de la tempérance, parce que leur objet est moins important, et qu'elles ne se rapportent d'ailleurs à cette vertu que par une certaine similitude d'action ou de modération. Ce que les parties subjectives font pour deux points principaux est très difficile, les plaisirs de la table et ceux de la chair. Les parties potentielles le font également en d'autres matières secondaires, c'est-à-dire moins difficiles à régler. C'est par là qu'elles se rattachent à la tempérance. En résumé, la tempérance a 12 parties, 2 intégrales, la honte et l'honnêteté, 4 subjectives, l'abstinence, la sobriété, la chasteté et la pudicité, et si potentiel, la continence, l'humilité, la douceur, la modestie, l'épargne et la simplicité. On peut même réduire ces 6 dernières vertus à la continence, la douceur et la modestie, qui comprend l'humilité, l'épargne et la simplicité, lesquelles ne sont au fond que la modestie dans les sentiments intérieurs et dans les actes extérieurs. Je réponds aux arguments. Premièrement, la continence diffère de la vertu, comme ce qui est imparfait diffère de ce qui est parfait, et c'est ainsi seulement qu'elle est opposée à la vertu, car, du reste, elle a comme la tempérance, pour objet les plaisirs du toucher, qu'elle réprime également. Aussi est-elle une partie de la tempérance. Deuxièmement, la clémence ou la mansuétude est une partie de la tempérance, non pas parce qu'elle a le même objet, mais parce qu'elle réprime de la même manière. Troisièmement, la justice rend à autrui ce qui lui est dû quant aux actes extérieurs. Or, la modestie ne fait que donner à ses actes une certaine modération, aussi n'est-elle pas une partie de la justice, mais de la tempérance. Quatrièmement, Cicéron comprend sous le nom de modestie tout ce qui tient à la modération des mouvements du corps et des choses extérieures, et même la modération de l'espérance, que nous avons dit se rapporter à l'humilité. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.